بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, lam, mim. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. La révélation du livre, à propos duquel il n'y a nul doute, vient du Seigneur de l'univers. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Ou alors, disent-ils, c'est lui qui l'a inventé. Non, c'est plutôt la vérité procédant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple qu'avant toi, personne n'avait averti, afin qu'il soit bien guidé. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Allah est celui qui en six jours a créé les cieux, la terre et ce qu'il y a entre eux. Puis il s'est établi avec une infinie majesté, istawa, sur le trône. En dehors de lui, vous n'avez ni protecteur ni intercesseur. N'allez-vous donc pas y réfléchir ? يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Il gère toutes les affaires, depuis le ciel jusqu'à la terre. Puis tout remonte vers lui en un jour dont la durée équivaut à mille ans selon vos calculs. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. C'est lui qui connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Il est le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. Il a parfaitement modelé tout ce qu'il a créé et qui a initié la création de l'homme à partir de l'argile. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Puis, il a extrait sa descendance à partir d'un vulgaire liquide. L'a modelé en sa forme définitive et lui a insufflé de son esprit. Il vous a donné, lui, les yeux et la raison. Mais vous n'êtes bien reconnaissant. Ils disent, une fois ensevelis sous terre, remettons-nous vraiment à une nouvelle création. Mais ils mécroient en la rencontre de leur Seigneur. Dis, l'ange de la mort, qui a été chargé de vous, reprendra vos âmes, puis à votre Seigneur, vous serez ramené. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Si tu voyais alors comment les criminels auront la tête baissée devant leur Seigneur. Seigneur, diront-ils, nous avons vu et entendu, fais-nous revenir sur terre et nous y ferons le bien. Nous sommes à présent convaincus. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Si nous avions voulu, nous aurions monté à chaque âme sa juste direction. Mais le verdict relevant de moi a été prononcé. Je remplirai la géhenne de djinns et d'hommes réunis. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد. Goûtez donc à ce châtiment, pour avoir oublié la rencontre de ce jour qui est le vôtre. Nous vous avons également oublié. Goûtez le supplice éternel, pour prix de ce que vous faisiez. Non foi en nos versets que ceux qui, lorsqu'ils leur sont rappelés, tombent à terre prosternés. Rendent gloire à leur Seigneur et célèbrent ses louanges, sans se montrer hautain. Leurs flancs désertent leurs couches pour invoquer alors leur Seigneur plein de crainte et d'espoir, et ils dépensent de ce que nous leur dispensons. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Personne n'est en mesure de savoir quelle joie leur sont destinées en récompense de ce qu'ils faisaient. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا La yastawun. Le croyant peut-il être assimilé au pervers? Non, ils ne sont point égaux. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres auront pour prix de ce qu'ils faisaient les jardins du refuge pour résidence. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. Quant à ceux qui se sont viciés, leur refuge sera le feu. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront reconduits, et il leur sera dit, goûtez le supplice du feu que vous preniez pour un mensonge. Nous leur ferons d'abord goûter le supplice mineur de ce bas monde, avant celui plus grand de l'autre monde. Peut-être reviendront-ils au droit chemin. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Est-il plus injuste que celui qui, bien que les signes de son Seigneur lui soient rappelés, s'obstine à les rejeter? Nous allons certes tirer vengeance des criminels. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Nous avons donné le livre à Moïse. Ne sois donc pas dans le doute à propos de ta rencontre avec lui. Et nous en avons fait un guide pour les enfants d'Israël. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Mais nous avons établi parmi eux des chefs qui dirigeaient les gens, par nos ordres, lorsqu'ils se montrèrent patients et crurent fermement à nos versets. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. C'est ton Seigneur qui, lui, le jour de la résurrection, tranchera entre eux sur tout ce qui était cause de leur divergence. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. Ne sont-ils donc point éclairés en voyant combien de générations nous avons fait périr avant eux et dans les habitations desquelles ils vont et viennent aujourd'hui? Il y a certes là des signes. N'entendent-ils donc pas? N'ont-ils pas vu comment nous conduisons l'eau vers les terres arides, où nous faisons pousser les cultures dont ils se nourrissent, eux et leurs troupeaux? Ne voient-ils donc pas? Ils disent, à quand donc cette victoire, si ce que vous dites est vrai? قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Dis, au jour de la victoire, il ne servira plus à rien aux mécréants de croire, et ils n'auront droit à plus aucun sursis. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Détourne-toi d'eux et attends, car eux aussi sont là à attendre.